promotion de plus de 250 créateurs d'ici, en plus d'offrir la ligne de bijoux Euphorie Design, création de la propriétaire Diane Bergeron. Toujours en mouvement et à la recherche de nouveautés, la boutique Point d'exclamation propose aujourd'hui ses trouvailles, des articles de brocante, sans oublier ses superbes vitrines qui égayeront vos pupilles. Objets d'art, objets rares. Toutes les raisons sont bonnes de s'exclamer au 762 rue Saint-Jean. Abonnez-vous à leur page Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et des promotions. CKRL HD. Une radio haute décibels. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Ce soir, Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. On a beaucoup de nouveautés ce soir, au moins plus que la moitié de l'émission, où on aura des nouveaux disques, des nouvelles parutions. Le nouveau Sky Architect, un groupe donc des Pays-Bas, et qui sont à leur troisième album intitulé A Billion Years of Solitude. C'est leur plus récent, qui vient tout juste de paraître. On a également le nouveau Curse Pink. Curse Pink, c'est un groupe de la Norvège, et c'est un groupe qui n'avait pas réalisé d'album depuis 2002. Le dernier intitulé Tidings remontait donc à 2002, et c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui mélange les aspects de folklore et le rock progressif. Et leur plus récent album Mystic Spirit qui vient tout juste de paraître, on aura un extrait de ça dans le premier bloc. On aura également Moon Safari. Ça va être un deuxième extrait de cet album. C'est également un groupe de... eux, ils sont de la Suède, en fait. J'ai quelques groupes scandinaves et du nord de l'Europe pour débuter dans le premier bloc. Donc, Moon Safari, c'est leur quatrième album intitulé Imlabaken Volume 1. Et, j'imagine qu'il y aura un volume 2. Et ça aussi, ça vient de paraître. Jean-François en avait fait jouer une pièce la semaine dernière. Il y a deux semaines, oui, c'est ça. Alors, mais pour débuter ce soir, l'émission, ça sera The Flower Kings de la Suède. Et eux, c'est des vieux routiers. Hein. C'est déjà leur 12e album là, depuis 1995. Et plus ça va, plus les albums sont bons. Les quatre derniers sont vraiment excellents à mon goût. Le plus récent, donc, est Desolation Rose. Paraît en version simple CD et également en version bonus avec deux CD. Ça sera du premier CD. Donc, pour débuter l'émission, la pièce... c'est laquelle déjà? Si on regarde tout ça... Oui, donc la pièce Dark Fascist Skies de Flower Kings pour débuter. Et ensuite, on enchaîne avec Sky Architect, tiré de Billion Years of Solitude. La pièce... laissez-moi regarder. Oui, c'est Revolutions. Et il y aura également donc Curse Pink, tiré de leur plus récent album, et Moon Safari, et on vous revient. We'll be right back. are your king and the nation. There's an offer that's hard to refuse. There's a plan for a swift integration. We collect all the keys from you fools. So the state has become the offender, to the point where there's no turning back. So you dream of a new independence, while they tighten the grip round your neck. Time after time, you're pulled back to the grind. Has enough cast you last till tomorrow. For the greatest of theft, no police. What's the odds that you fight back the system? With millions of Davids just looking for peace. So the state has become the offender. You're pulled back to the grind. sleep again. We will overcome. So now the time has come for us to understand that if we to rise and make a stand. We will overcome. We shall be as one spirit. Revolution must save us from them, so we can never. Stand, stand there as one. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Oh ouais. Oh ouais. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation. Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un Randall. Alors là, j'imagine. Tu veux savoir ce qu'est un Randall? Va le mardi ou le mercredi à la Barberie. Et tu verras ce système de service hyper sexy. Et si tu viens chez moi, je t'expliquerai c'est quoi une creamer. Quoi? Non merci? Tant pis. Les productions Groove Psychotique présentent le Chelsea Beat. À grands coups de garage, yéyé et freak beat, ces pionniers de la scène underground montréalaise viendront présenter leur premier album, Mesdames et Messieurs. Pour ouvrir le bal, le groupe Les Revenants, qui eux défendront leur album Bête Lumineuse avec des sonorités surf, rockabilly et western spaghetti. Ça se passe le samedi 30 novembre au bar coop L'Agité, 251 rue Dorchester, ouverture des portes 20h, spectacle 22h tapant, 10$ l'entrée. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Et de retour avec Bruno et Marc à l'émission Terrain Incognita à CKRL 89.1 à Québec. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était donc le groupe Moon Safari. C'est un groupe de la Suède. C'est un extrait de leur plus récent album, c'est leur quatrième, et intitulé Hymne la Backen volume 1. Et, c'était la pièce Barfly, une pièce très dynamique. C'est un album qui est beaucoup axé sur les mélodies vocales, tout ça. C'est, celle-là, c'est une des plus rock, je dirais, dans le style là, pour l'album. Juste avant, Curse Pink, je suis très content de cette nouveauté-là. L'album Mystic Spirit, c'est super bon du début à la fin. Donc, ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu d'album de Curse Pink. Et ce qu'on a entendu, c'est la pièce Secluded. C'est beaucoup plus dynamique. Je pense que c'est un de leurs meilleurs. Franchement, ça valait l'attente pour Curse Pink. Il y avait également Sky Architect, leur plus récent album, A Billion Years of Solitude, la pièce Revolutions. Ça aussi, c'est un album qui faut écouter plusieurs fois là, pour embarquer. Il y a des longues pièces à développement qui sont plus exploratoires, si on veut. Beaucoup de sons exploratoires. Donc, Sky Architect qui nous avait rendu visite à la Convention Incognita en 2011. Et le bloc musical avait débuté avec The Flower Kings, tiré de leur plus récent album Desolation Rose. Alors, on poursuit maintenant avec un doublé italien, le plus récent album de Aldo Tagliapietra, qui est le chanteur, ou qui était plutôt, le chanteur de Les Ormes, puisque maintenant il fait carrière solo. C'est son plus récent album intitulé L'Angelo Rinchiuso. Alors, il y aura 3 pièces, La Fiamma, Il Io Viaggio nel Tempo et Riflessi Argentati, donc de Aldo Tagliapietra, et également, oui, c'est un bon exercice de prononciation. Bruno, il me regarde, il dit « Wow ». Ensuite, Three Monks, qui est également de l'Italie, leur plus récent album, The Legend of the Holy Circle. Ça, c'est pour les amateurs de rock à la style baroque, avec beaucoup d'orgues d'église, puis des grosses mélodies. Donc, c'est instrumental, et c'est pas mal intéressant. Je pense qu'il est meilleur que leur premier, à mon goût, là, de ce que j'ai... Ça fait pas longtemps que je l'ai reçu et écouté. On écoutera la pièce de Strife of Souls, mais d'abord Aldo Tagliapietra. Sembra follia ma verità, la fantasia è già realtà. Vicino a me c'è un angelo che si rivela nel dolce profumo di un fiore. Mi maschera, mi vestirò di nuvole, accenderò l'oscurità con quella fiamma che brucia in fondo al mio cuore. Calderai con quella fiamma che brucia in fondo al tuo cuore. Con quella fiamma che brucia, che brucia, che brucia. Se il rumore è un'onda dentro il mare, il silenzio è profondità, se il rancore è un cielo senza sole, il perdono è sacralità. Io non sono un uomo del passato e nemmeno un uomo del futuro, io viaggio nel tempo, prigioniero del vento. We'll be right back. de l'Italie, le groupe Three Monks. C'était la pièce The Strife of Souls, tirée de l'album The Legend of the Holy Circle, qui vient tout juste de paraître. Comme vous avez pu le remarquer, c'est très inspiré de Jean-Sébastien Bach, et c'est comme ça tout le long, c'est instrumental, donc, et très dynamique. Alors, parlant tout à l'heure de la Convention Terra Incognita, Michel en a parlé plus en détail la semaine dernière. Les billets sont en vente maintenant. Et donc, le 16 mai prochain, au Centre d'art La Chapelle, il y aura le groupe Is des États-Unis, un groupe qu'on adore, et qui viendront nous présenter leur nouveau disque qui sera disponible pour, en tout cas, si tout va bien, au moment de l'événement. Il y aura également, donc, le samedi, le 17 mai, le groupe Glasshammer et leur première visite, donc, pour nous présenter leur nouveau matériel et des pièces des Unconcealable Secrets également. Et il y aura également le groupe américain Shadow Circus qu'on a failli voir là, l'an dernier en première partie de The Watch, mais ce n'était que partie remise, comme vous pouvez le constater. Donc, si vous allez sur le site du Centre d'art La Chapelle, on mentionne déjà que Shadow Circus seront de la partie. Il y aura également un autre groupe à confirmer. Et le dimanche, le 18 mai, Fabio Zuffanti, les 20 ans de musique avec la musique de Finistère, Ost Sonaten et La Maschera di Cera, donc qui sera accompagné, Fabio, avec des musiciens des formations La Maschera di Cera, et également une formation italienne, le nom Delirium, voilà, et d'autres musiciens, donc c'est à ne pas manquer. Et il y aura deux autres groupes à confirmer. Alors, au Centre d'art La Chapelle, la Convention Terra Incognita, la 10e, c'est la 2014, ça s'en vient. On s'en va en musique maintenant. Avec Camel qui a repris du service en spectacle, puisque Andy Latimer peut maintenant, après avoir été en maladie pour un certain temps, peut maintenant rejouer, et ils ont réenregistré de Snow Goose. Et on a une amie de Terra Incognita qui est allée les voir en Europe, et elle m'a procuré ce disque, donc le réenregistrement de l'album de Snow Goose, qui a été enregistré en 75 à l'époque et qui est repris maintenant. Donc on écoutera une très bonne pièce de ça, la pièce Rider Goes to Town de Camel, et on y va en pause et on vous revient. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écoauthentique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écoauthentique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écoauthentique.com. Le Chichio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chichio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédélique, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. De retour avec Bruno et Marc pour la deuxième heure de Terra Incognita. Et après cette excellente pièce de Camel, tirée d'un réenregistrement de Snow Goose, c'est un album qui est dédié à Peter Bardens, qui est décédé en 2002. Et il y a sur ça Guy Leblanc, qui est un Canadien, qui est derrière aussi Nathan Mall, Dennis Clement et Andrew Latimer et Colin Bass, qui reprennent du service et ils ont annoncé qu'ils feraient encore des spectacles, donc des spectacles en Europe, en Italie. Si jamais ils venaient ici, ça serait incroyable. Ça me surprendrait. Mais surveillez ça. Si vous êtes un fan de Camel, il y a moyen de les voir en spectacle avec... c'est un spectacle qui est dédié à l'album de Snow Goose, justement, qui est paru en 75. Alors, c'est à ne pas manquer. Parlant de spectacle, il y a également Klepsydra, qui est un groupe de la Suisse qui vient de faire paraître une compilation de leurs quatre album là, qui est remasterisé ça s'intitule 3654 Days. Ça couvre donc la période des quatre albums qu'ils ont fait et ils ont annoncé qu'ils feraient une tournée en 2014. D'ailleurs, le groupe Zenith, c'est un groupe qui a été fondé par l'ex-bassiste de Klepsydra, avec des musiciens qui avaient tourné avec Klepsydra, c'est Andy Thoman, qui a fondé le groupe Zenith, qui vient de réaliser un nouvel album, donc c'est leur troisième, intitulé The Chandrasekhar Limit. Et on aura une très belle pièce intitulée Awaken de Zenith. On aura également Glasshammer avec la pièce Sun Song de l'album Culture of Ascent, qu'on pourra voir à la convention Terra Incognita le 17 mai prochain. Et on aura également un deuxième extrait du groupe italien Togs que Michel vous a présenté la semaine dernière. Ça, c'est très bon, c'est mon album de la semaine. Mais tout d'abord, allons-y avec Zenith. He woke up in the morning and suddenly he realized his life was empty. Though full of things, I'm world like this. Everything so new. And life was young. And life was long. And the night full of magic dreams. And he woke up in the morning, and suddenly he realized his life was empty, though full of things. We'll be right back. beating his heart, growing, growing, growing like a crawling beast. It was always there, it was hidden and mute. Now it found the way, now it's coming out. To go, this is Steve Babb of Glass Hammer. See you in Quebec City, May 17th. Convinced he stirred from deep within.

sua forza e il suo potere, e sopra ogni cosa che io possa cantare, venite a ascoltare le storie d'Oriente che ci narrerà. Di uomini gloriosi, di guerre, di eroi, di demoni e di morte lui ci canterà. La strada della vita ci insegnerà ad amare. Venite, venite alla corte del re. Di uomini e di genti han fatto

de l'onde, les loups chassent en bande, le plus fort fait la loi. Un jour viendra où l'un d'eux te mangera. Sois pas surpris, ce pourrait être moi ou n'importe qui. Le groupe français Nemo, tiré de leur plus récent album, Le Ver dans le Fruit, c'est un extrait de la pièce Arma Diania. Alors, comme vous avez pu le constater, c'est très bon, hein. Franchement, une belle réussite. Il faut l'écouter aussi beaucoup, cet album-là. Il y avait plusieurs ambiances. C'est très dynamique. Juste avant, il y avait eu le groupe de l'Espagne, Cotebel, tiré de leur plus récent album. C'était la pièce Vivo Scherzando. Alors, c'est Bruno et Côté à la mise en onde qui était là avec vous depuis 22 heures et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors, restez des nôtres puisque l'autoroute s'en vient avec Stéphane Villeneuve. C'était donc Marc et Bruno. En ce 16 novembre 2013, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi! Le 25 novembre, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les créateurs de votre radio et prendre connaissance du travail accompli durant la dernière année. En tant que membre, c'est l'opportunité de vous exprimer quant à l'avenir de CKRL. L'Assemblée générale annuelle de CKRL, le 25 novembre, au Centre culture et environnement Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de votre radio favorite. Les productions Groove Psychotique présentent le Chelsea Beat. À grands coups de garage, yéyé et freak beat, ces pionniers de la scène underground montréalaise viendront présenter leur premier album, Mesdames et Messieurs. Pour ouvrir le bal, le groupe Les Revenants.